c'est bien gentil de se promener comme ça dans la nature, le nez au vent. Mais maintenant, quel est le programme? Respirez à fond. Oxygénez-vous, profitez-en. Eh bien, moi, je plonge. Et voilà, c'est reparti pour un tour. C'est l'histoire d'un cinéaste, grand voyageur, qui avait le goût de l'aventure. Avec sa caméra, il est allé dans le monde entier, de la Mongolie au Canada, en passant par la Sibérie et l'Islande. Et après plus d'une vingtaine d'années à parcourir le monde en tous sens, notre cinéaste voyageur, Jean-Michel Bertrand, a eu envie de se poser dans une vallée perdue des Alpes, la vallée de son enfance, pour y vivre une nouvelle grande et belle aventure. Il s'est mis en tête de filmer, dans leur milieu naturel, des loups sauvages dont il suspectait la présence dans cette vallée reculée. Mais les loups ne se laisse pas approcher facilement. Alors patiemment, il les a attendus. Pendant 3 ans, il est allé régulièrement bivouaquer dans la vallée, en toute saison, qu'il vente ou qu'il neige. Une quête qu'il raconte dans un très beau film intitulé « La vallée des loups ». Nous vous proposons une nouvelle diffusion de son passage par notre bivouac. Et en fin d'émission, nous retrouverons Pierre Josse, notre train savate planétaire préféré. Il nous emmènera à la découverte des villes fantômes. Voilà pour le programme de la deuxième partie de notre bivouac. Dans les siècles passés, les loups vivaient sûrement dans cette vallée inhabitée. Depuis quelque temps, une intuition m'obsède. Et s'ils revenaient ici, dans cette vallée secrète, si boyeuse et préservée, c'est pour ça que je suis là, de retour au bivouac, par cette fraîche soirée de printemps. De retour au bivouac. Ainsi commence votre film La Vallée des Loups, Jean-Michel Bertrand. Vous vous mettez en tête d'aller observer ces loups dans cette vallée reculée. Elle est superbe, cette vallée, votre film. Les images sont incroyables. Décrivez-nous cet endroit que vous connaissez parfaitement bien. Eh bien, cette vallée, c'est un peu la vallée de rêve, quoi. En plus, c'est une vallée qui me parle énormément parce que c'est la vallée de mon enfance. Ouais. Enfin, c'est un endroit dans lequel j'allais quand j'étais gamin. Alors évidemment, quand j'étais ado, disons, avec les copains pour bivouaquer, cet endroit, pour moi, avait déjà un parfum d'aventure. Ouais. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire qu'on allait bivouaquer, on faisait notre petit feu, mais on n'allait jamais très loin. Mais c'était déjà un voyage. Et après, il y a eu, comme vous le disiez, cette cassure, ces voyages de par le monde. Mais en même temps, j'ai toujours habité dans ce coin-là des Hautes-Alpes. Mais vous la gardez secrète, on a compris, mais vous la décrivez même pas. Là, tout de suite, vous partez sur d'autres voyages. Mais à quoi elle ressemble? Fermez les yeux et dites-nous, qu'est-ce que vous voyez quand vous pensez à cette vallée dont vous connaissez tous les recoins, tous les reliefs? Ce que je vois, c'est un étage d'altitude incroyable. On parle assez bas. On part à 2300 mètres à peu près, 1400 mètres. On monte à près de 3000 mètres. Donc on a une variété incroyable de biotopes, de végétation et de faune. C'est une vallée qui est inhabitée. C'est une vallée dans laquelle il n'y a pas d'élevage ou de troupeaux en été. Donc elle est complètement en dehors de tout ça. Et c'est pour ça que cette vallée, c'est un peu comme une bulle. C'est un endroit qui est comme idéal. Alors évidemment, on ne donne pas l'adresse de cette vallée, mais elle n'est pas seule non plus. Il y en a d'autres de vallées comme ça. Et en fait, je crois que simplement quand on regarde autour de chez soi, surtout quand on a la chance d'habiter dans les Hautes-Alpes et dans cette région qui est quand même très préservée, eh bien, on peut faire de grands voyages et observer des endroits magiques comme ça, tout près de chez soi. C'est un peu un retour aux sources, cette aventure que vous avez choisi de vivre dans cette vallée pendant 3 ans, puisque entre les moments où vous y passiez votre enfance, votre adolescence, et le moment où vous y retournez, il s'est passé pour vous mille et une aventures. Vous avez énormément voyagé, vous êtes parti aux quatre coins du monde. Votre premier long métrage, c'est en Islande que vous êtes allé. Pourquoi vous aviez choisi l'Islande pour ce film? Ben, l'Islande, ça fait quand même rêver, quoi. C'était le premier doc que je faisais de voyage, parce que j'avais rencontré des gens qui m'ont permis de faire ce métier-là. Moi, je rêvais de filmer les animaux près de chez moi, en fait. C'est ça qui est fou. Quand j'ai quitté l'école à 16 ans, c'était pour filmer les animaux près de chez moi. Et puis, les rencontres, les hasards de la vie m'ont amené à voyager. Et quand j'ai commencé à voler de mes propres ailes et que j'ai pu réaliser mon premier film de voyage, j'ai choisi l'Islande, évidemment, parce que c'est un pays complètement surréaliste. J'étais fou du Seigneur des Anneaux, de Tolkien et autres. Et c'est vrai que dans ce pays, on rencontre aussi ce côté complètement brut de la nature. Évidemment, le feu, la glace, les déserts, des choses qui font rêver, quoi. Et ensuite, un film qui viendra ensuite, qui est moins en rapport avec la nature, qui est plus sociologique. Vous allez à Belfast, à Dublin, pour témoigner de la misère des enfants des rues qui survivent en élevant des chevaux. Ben oui, en fait, j'ai vu que j'étais dans le voyage et dans le documentaire, j'étais parti en Irlande parce que l'Irlande me parlait aussi, mais en fait, elle m'a beaucoup plus parlé d'un point de vue sociologique que d'un point de vue nature. Mmh. Alors, j'ai fait des séquences sur les oiseaux marins et tout ça, mais j'ai été vraiment très, très touché par ces gamins dans les banlieues de Dublin qui vivent dans des conditions vraiment très précaires, avec de la drogue, de gros trafic, et ces adultes formés en association qui les aident à sortir de tout ça en élevant des chevaux, des poules. Ils vont ramasser les œufs le matin, ils sont avec leurs chevaux au milieu d'immeubles tagués, complètement surréalistes. Et c'est ça qui m'a parlé. Et c'est là aussi que j'ai commencé à avoir un décalage avec le film de voyage proprement dit. C'est-à-dire qu'on n'était pas dans le taxi mauve, on n'était pas dans l'Irlande telle qu'on l'attendait. Ouais. Mais je crois qu'on a, j'avais envie de toucher un petit peu de cette âme irlandaise. Ouais. Et toujours pour un peu picorer dans votre œuvre cinématographique, ensuite vous allez en Mongolie rencontrer les nomades. Là, on retourne plus proche de la nature. Hein, ah oui, alors là, la Mongolie, près d'un an et demi en Mongolie, en été, en hiver, sous les yourtes, à cheval, en essayant déjà de rencontrer les loups, ouais, parce que moi je rêvais des loups, évidemment, oui, il n'y en avait pas chez moi à l'époque, et j'en ai jamais vu un, parce que voilà, les nomades ont des troupeaux, et puis en général, quand les loups approchent, ben on met un petit coup de pétoir, et les loups se méfient beaucoup, mais ça a été aussi très très fort pour moi, et c'est là que j'ai eu un vrai déclic, là, parce que j'ai dit, je parle des nomades mongols, je suis quelque part l'occidental qui parle à leur place, je me sentais un petit peu mal à l'aise, et je me suis dit, le gars, en été, il a pas envie d'aller à Saint-Trope. En hiver, il a pas envie d'aller au ski. Il est bien chez lui. Et moi, quand je suis chez moi dans les Hautes-Alpes, je suis bien aussi. Alors pourquoi ne pas raconter mes rêves à moi? Et c'est vraiment après ce film sur la Mongolie que j'ai décliqué, quoi. Ouais. C'est-à-dire, il y a vraiment eu un peu cette prise de conscience. Après avoir bourlingué, avoir voyagé pendant plus d'une vingtaine d'années, tout d'un coup, vous vous rendez compte que vous avez envie d'être chez vous, dans votre vallée, que l'aventure, vous avez envie de la vivre à deux pas, que c'est plus une manière d'être, une façon de regarder, qu'une façon d'enquiller les kilomètres. Ben ouais, c'est ça. Pour moi, le voyage est très subjectif. C'est vraiment, et il y avait un petit côté dans ce que je faisais, bien de consommation, on va dire. Alors, je pense qu'il y a mille et une façons de voyager, des façons extraordinaires de voyager. On peut voyager très loin, très près. Et le voyage, pour moi, n'a rien à voir avec la distance. Ouais. Et donc, le voyage qui me parlait le plus et dont j'avais besoin, c'était de retrouver mes racines, ce rêve d'enfance qui m'a quand même fait quitter l'école, comme je le disais très tôt, pour essayer de raconter mes propres émotions. Ouais. Alors, avant les loups, il y a un film qui préfigure un peu, qui est un peu dans le même esprit que cette Vallée des loups, c'est Vertige d'une rencontre, film sorti en 2010. Là, vous allez à la rencontre des aigles. Oui, c'est un peu une esquisse de la Vallée des loups. En fait, ça a été la rupture entre ce travail dans les voyages, dans les documentaires et le film de cinéma qui, pour moi, est finalement... Enfin, me correspond mieux parce qu'il est très ouvert. Le cinéma reste un lieu de liberté totale. Ouais. Et j'avais envie de faire un film animalier, pas comme les autres. Ouais. Au lieu de filmer les aigles super bien, etc., j'avais envie de raconter comment on fait quand on veut voir des aigles, parce que les aigles m'ont toujours fait rêver. Ouais. Quand j'étais gamin, les aigles étaient en voie de disparition. Quand on avait vu un aigle, on avait tout vu. Alors là, depuis la protection dans les années 70, l'espèce s'est bien bien reconstituée. Et donc j'ai voulu raconter comment un gars passionné, comment fait ce gars pour essayer de filmer les aigles. Et en fait, le film raconte ça. C'est vraiment une préfiguration de la Vallée des Loups. Oui, il y a vraiment un lien de parenté. On dirait presque que la Vallée des Loups, c'est le second volet de ce regard sur la nature que vous avez décidé de porter avec cette nouvelle façon de filmer. Très éloigné, effectivement, des documentaires animaliers classiques où on voit les animaux de très près avec de gros plans. Parfois, on fait appel à des animaux plus ou moins sauvages. On filme dans des réserves. Alors que là, c'est plus... Ils planent sur votre film, ces aigles, mais on cherche pas forcément le gros plan à tout. Voilà, moi je trouve que c'est tellement important ça, parce que vous avez deux solutions. Soit vous voulez faire une super image d'aigle, vous embauchez un aiglier, un dresseur d'aigle, et vous faites poser l'aigle au pied d'un glacier sur une belle barre rocheuse, vous mettez 8 caméras, 3 drones, et vous faites des images de folie d'aigle. Soit vous décidez de rencontrer l'aigle sauvage. Alors vous apprenez où sont ses perchoirs, où il va se poser, etc. Ça déjà, ça met un an ou deux. Quand vous avez repéré les perchoirs, il va falloir monter. Des fois, c'est une heure, deux heures, trois heures de marche. Poser un petit affût discret, redescendre pendant trois mois pour que les aigles s'habituent. Vous allez remonter, vous y mettre. L'aigle ne va pas se poser, vous allez revenir, etc. Vous allez finir par avoir l'aigle. Alors imaginez le bonheur, la force émotionnelle de cette image-là, qui pourtant sera moins belle que l'image léchée d'un aigle dressé. Mais ce que je trouve, c'est qu'au cinéma, justement, enfin, et quand on filme les choses et quand on raconte des histoires, la sincérité finit toujours par payer parce que les gens, évidemment, s'identifient à ces émotions-là. Et sans émotion, on a beau avoir les plus belles images du monde, ben, ça reste un peu plat. Alors ce film sur les aigles, vous l'avez financé vous-même. Après ça, vous n'aviez plus un sou en poche. Mais vous étiez là où vous aviez envie d'être et vous faisiez ce que vous aviez envie de faire. Donc vous étiez bien. Ah c'est ça, c'est fou, j'ai jamais eu aussi peu d'argent, j'ai bien été dans la galère, mon banquier peut en témoigner, ma femme aussi, ça a été chaud bouillant, mais j'ai jamais été aussi heureux à ma place. Et donc c'est là que je me suis rendu compte, il faut toujours aller au bout de ses rêves, parce que à un moment vraiment quand j'ai basculé, que j'ai mis mes économies dans ce film, je me suis dit si tu continues là où tu es, tu vas regretter, tu vas vieillir, et quand tu seras vieux, tu diras je suis passé à côté de quelque chose. Et là franchement, je suis plutôt pas mal dans mes dans mes baskets. Et puisque vous étiez bien sur cette façon de filmer le monde et de regarder la nature, vous avez donc eu l'idée d'aller dans cette vallée filmer les loups. Alors la différence entre cette vallée des loups et votre film sur les aigles, c'est clair, il y avait un doute, c'était avant tout une intuition. Vous vous disiez, le loup est en train de reprendre un petit peu de l'espace en France, cette vallée est suffisamment isolée, perdue, loin des hommes, pour qu'une meute au moins ait décidé d'aller y élire domicile. Oui, je suis vraiment parti sur cette intuition. En fait, c'était tout près de là où j'ai filmé les aigles, donc je connaissais bien, mais j'étais pas dans le même, dans les mêmes secteurs avec les aigles. J'étais beaucoup plus haut, sur les falaises, etc. Et je me suis dit, le loup est revenu en 92 par le Mercantour. Il est revenu d'Italie parce qu'il a été protégé en Italie dans les années 70. Il avait jamais disparu de là-bas, mais il était très menacé, donc il a été protégé. Et du coup, comme les aigles, cet animal qui est au sommet de la chaîne alimentaire est très territorial. Du coup, il ne supporte pas d'être trop nombreux sur le même territoire, parce que sinon, bah, il mangerait trop de gibier, il y aurait plus de loups, au final. Donc, il y a ce mode de dispersion très important chez les loups. Et ils sont revenus, donc, dans les Alpes, dans le Mercantour, en 92. Et ils ont commencé à recoloniser. Ils sont arrivés dans les Hautes-Alpes. Et là, je me suis dit, franchement, cette vallée, giboyeuse comme elle est, paumée comme elle est, il y a toutes les chances qu'une meute se soit installée là. Alors, vous allez être assez rapidement fixé, enfin assez rapidement quand on prend le temps, puisqu'au bout de 4 mois à bivouaquer dans cette vallée, vous en voyez passer un furtivement. Mais vous savez, à ce moment-là, il y a au moins un loup qui est passé dans le... Voilà, donc ça a été le coup de bol, la chance du débutant. Ouais. Je cherchais évidemment les loups avec ma longue vue, comme tous les matins et tous les soirs, au bivouac, sur de hautes falaises, pour voir très loin dans la vallée, si j'en voyais un et tout. Pendant 3 mois, j'ai rien vu. Et puis un jour, il y en a un qui m'est sorti à 40 mètres après un orage, alors que j'étais en train de pisser un coup. Le truc complètement improbable. Et là, je me suis dit, bon, déjà, il y a un loup. Enfin, ça a été une émotion, vous imaginez. Et aussi un doute, en disant, bon, il y a des loups dispersés, il y a des loups solitaires. Donc déjà, il y a un loup là, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une meute. Mais déjà, c'était un signe incroyable. Et il a fallu attendre un petit peu pour voir le deuxième. Eh oui, voilà, il a fallu attendre même beaucoup. Vous aviez donc à partir de ce moment-là la certitude qu'ils étaient là, ces loups, au moins un de passage. Mais pendant longtemps, vous allez devoir vous contenter de quelques traces discrètes de leur passage. Belle trace. Ça ressemble à un loup quand même. Mais bon, une toute seule comme ça, tu sais pas si c'est un chien ou un loup. Balèze. Non. Il n'y a que de l'herbe. Oh. Ça en est. Ça, c'est de l'os. C'est des bouts d'os. C'est des éclats. Crottes de loup. J'ose même pas l'abîmer. Mais ça, c'est sûr. Les poils, les os, la taille. Allez, je la laisse. Trop beau. On l'a bien compris, hein, c'est devant une crotte de loup que vous êtes en train de vous émerveiller de la sorte. C'est vraiment, pour vous, toute la moindre trace est source d'émerveillement, Jean-Michel Bertrand. Ben oui, parce que en fait, ce film, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler plus tard, mais en fait, ce film Il y a vraiment plusieurs niveaux là-dedans. Et le premier niveau, c'est le niveau de l'enquête. C'est vraiment un polar. Et j'ai vécu ça comme un polar. Mais ça vous amuse d'ailleurs. On sent, il y a vraiment ce plaisir du détective en filature. Ah, complètement. Complètement. Et c'est vraiment, alors chaque fois qu'il y a un indice, c'est un cadeau énorme. Alors il y a eu les traces, il y a eu les crottes, il y a eu les fameuses caméras automatiques que j'ai mis sur les arbres pour essayer de voir si les loups passaient par là de nuit comme de jour. Alors évidemment, au début, il y avait tout. J'ai eu toute la panoplie, sauf les loups. Et petit à petit, ça a avancé comme ça. Donc ça vous porte complètement. Moi, j'adore ça. Vous allez, Jean-Michel Bertrand, nous raconter ces 3 années passées dans cette superbe vallée à bivouaquer en toute saison et par tout temps. Nous allons voir si les loups ont fini par s'habituer à votre présence et ce que vous avez pu observer. C'était Trop vite de Isia sur France Inter dans le temps d'un bivouac. Belle crotte. Crotte toute fraîche, toute belle. Ils sont là les cocos. Là, une trace de ça. C'est une trace de cerf qui a bondi. Et là, les deux traces se joignent. Il y a pas mal de bordel. Peut-être que pas très loin, ils sont en train de manger le cerf. Ouah. Ben là, ils ont pas fait que passer. Ils me font tourner en bourrique. Tiens. sanglier. C'est tout frais. Le bruit de glissement un peu fort qu'on a entendu là, ce sont les skis. Parce que vous étiez à ski, évidemment, vous y étiez en toute saison, y compris en hiver, dans cette vallée, pour essayer d'observer les loups. Quand vous entendez ce court extrait ou quand vous revoyez le film, est-ce que Jean-Michel Bertrand, vous vous remettez instantanément dans l'état d'esprit? Parce que ça a tourné un peu à l'obsession, cette quête du loup, on a l'impression. Complètement. Quand j'entends ça, ça m'émeut. Ouais. Ça me met les poils, comme on dit un petit peu, parce que je m'y revois, je m'y ressens, je vois les skis, la poulka. Et la poulka, c'est l'espèce de traîneau, hein, avec le matériel pour trimballer le matériel en hiver. Et donc, je m'y revois complètement. Et pour moi, ça a été une drogue dure, cette affaire-là. Ouais. Et quand on se lance là-dedans, de toute façon, ça ne peut être qu'une obsession. Parce que, c'est un peu compliqué quand même. Ouais. Donc, il faut que ça tourne à l'obsession et ça devient vraiment une drogue dure, je crois. Que pensait votre entourage de ce projet? Alors, quand on dit 3 ans, vous n'avez évidemment pas bivouaqué pendant 3 ans d'affilée dans la montagne, mais quand même, vous avez passé la plupart de vos nuits dans la montagne. Quand on fait le compte, en fait, c'est en moyenne 3 à 4 jours par semaine sur 3 ans. Quoi. Ouais. C'est-à-dire que je partais 3 à 4 jours, une semaine maximum, je revenais un jour ou deux, recharger les batteries, me ravitailler. Et puis quand j'étais en bas, je me disais, il doit se passer des trucs là-haut, je rate à tous les coups, ouais. Donc j'y retourne. Et mon entourage, je crois qu'ils ont été relativement... poli, compréhensif. Les copains qui me disaient, ouais, tu sais, le loup, c'est quand même pas les aigles, ça va être chaud. Ouais. Mais j'y croyais, ouais. Puis j'avais ces fameux indices. Pour ma femme, ça a été assez difficile aussi parce que j'ai été vraiment très absent, beaucoup plus que lorsque je partais en voyage. C'est assez marrant parce que j'ai été. Quand vous alliez loin à l'autre bout du monde. C'est vrai, parce qu'en fait, ce qu'elle me dit, c'est qu'elle a ressenti beaucoup plus l'absence. Parce que j'ai été pris dans ma tête et les 3/4 de la semaine là-dedans. Et puis, aussi au niveau des producteurs, des gens qui se sont lancés dans ce projet, c'était pas évident de trouver des producteurs à qui on dit on va peut-être filmer un animal qu'on ne verra jamais. Ouais. Donc là, il faut arriver à être suffisamment convaincant, passionné. Alors il y a eu des petits déclics, il y a eu des étincelles et c'est tout le miracle de la vie et de la passion et des gens et notamment sur France Inter avec Denis Chessou que j'ai rencontré au début et qui est maintenant un ami. Et qui croyait à ce truc-là. Ah oui, ça a pu que lui plaire, un projet pareil. Lui, il était content, le Denis et tout, il y croyait. Et moi, quelque part, je me disais, si le Denis, il y croit, pourquoi pas? Mais je sais maintenant que par derrière, il disait, il a peut-être mis la barre un petit peu haute, quoi. Mais il y a eu tout un truc comme ça d'émulation. Mais tout ça ne passe que par la passion. Et alors, vous aviez une technique particulière pour approcher, parce que évidemment, vous aviez la foi, en tout cas, vous y croyez à votre projet, mais aussi, il faut y aller avec un certain savoir-faire. Est-ce que vous aviez une technique, une stratégie pour approcher ces loups? Alors, en fait, j'ai là aussi une intuition aussi qui était basée sur les récits de Furley Mowat, qui date d'il y a 30 ans, qui était un scientifique canadien qui a aussi une expérience avec les loups. Et lui, il buvait beaucoup de thé, il faisait pipi partout, et il marquait son territoire parce que les loups marquent leur territoire. Ce sont des animaux très curieux et en fait c'est un peu des commères, quoi. C'est-à-dire que ils contrôlent leur boulot. Ben évidemment c'est de chasser, de nourrir leurs petites, de nourrir, mais c'est aussi de contrôler le territoire par rapport aux autres loups et aux autres animaux parce que je le répète, ils sont très territoriaux. Et donc moi ce que j'ai décidé de faire dès le départ, c'est de naviguer de façon très rituelle sur le territoire, plutôt à l'heure où les loups ne bougent pas, c'est-à-dire en pleine journée. Entre 10h du matin et 4h de l'après-midi, selon les saisons, évidemment. De passer toujours donc aux mêmes endroits, sur des centres, sur des chemins. Poser des petits pipis aussi partout, en disant le gars est là. Ouais. Et le gars, il dormait toujours sur place, au bivouac. Ouais. Et en fait, sur tout le film, il y a 4 bivouacs, 5 bivouacs maximum. Et donc être très rituel. Ouais. Et au départ, voilà, c'est un peu faire le mot Watt qui m'a inspiré ça et mon instinct. Vous vouliez les habituer à votre présence, pas forcément marquer votre territoire, mais qu'ils vous considèrent comme faisant partie du décor. Voilà, je marquais mon territoire pour qu'il n'y ait pas de doute. C'est-à-dire, je suis là, il est là, il est passé par là, il passe toujours par là, donc des loups deviennent peut-être curieux. Ouais. C'est ce que je me suis dit. Mais quand j'ai passé une année entière sans les voir, vous avez douté. Je peux vous dire que, là, je me disais peut-être que tu l'as pris à l'envers le truc. Ouais. Et alors, vous avez aussi disposé des sortes de, alors entre guillemets, pièges caméra, c'est-à-dire des petits boîtiers qui se déclenche au moment où quelque chose passe devant eux. Pas forcément un loup, mais en tout cas au moment où de l'activité se produit devant eux. Alors là aussi, il a fallu les disposer à des endroits stratégiques, ces petits pièges caméras. Ah, ces caméras automatiques, ça a été incroyable. Et là aussi, ça avait un côté ludique, oui. Un peu comme un gamin. Ouais. Alors au début, je l'ai posé un peu au feeling, en me disant, tiens, là j'ai vu ce qui me paraît être une trace, une crotte, alors je le mets là, puis il n'y avait rien. Il y avait les écureuils qui passaient, toutes sortes de choses, sauf des loups, évidemment. Ouais. Vous voyez plein de choses. Hein. À chaque fois, quand on vous déballez ces photos, c'est... Ah, moi j'adore. Ouais. J'adore parce qu'il y a un côté aussi, quand je rentrais à la maison un jour ou deux, justement, où j'étais au bistrot avec les copains, je leur disais, putain les gars, là la caméra elle tourne, quoi, si jamais il passe. Et donc, il y a ce côté-là, mais en même temps, on peut pas aller les relever trop souvent, parce que sinon on est trop intrusif, et donc faut les laisser 2 mois, 3 mois. Et donc on y pense, et on se rend compte, alors quand on relit la carte, qu'on voit les images, on se dit, ce soir-là, j'étais là, à un bivouac qui était à 5 kilomètres de là. Parce que vous avez l'heure à laquelle sont passés les événements. Et donc, il y a un côté comme ça de ces caméras qui restent à votre place, et je les ai mises vraiment en scène dans le film parce que ça me paraissait essentiel. Ah oui, c'est très réussi cette partie-là. On vous voit, d'ailleurs, découvrir à chaque fois ces nouvelles vidéos qui ont été captées en votre absence, et vous découvrez ça un peu comme un enfant déballe ses cadeaux de Noël. On dirait le mâle alpha, le dominant. Il pisse là où j'ai pissé. Fabuleux. Voilà, je commence à faire partie du décor. C'est vrai qu'il y a un vrai feuilleton autour de ces histoires de pipi et de marquage de territoire. Parce qu'effectivement, et pas seulement entre vous et ces loups, aussi entre les loups et un renard, régulièrement, on voit qu'on se dispute, on dialogue avec ces excréments et ces pipis. Ah ouais, j'ai eu une séquence incroyable, et ça, c'est la chance. Mais comme disait justement Robert Reinhardt, grand naturaliste, il disait, faut fatiguer la chance. Ouais. Et là, je crois que j'ai réussi à la fatiguer le jour où j'ai un loup qui a fait caca devant un piège. Alors ça, c'est quand même pas évident de faire caca devant une caméra quand on sait que le territoire fait 300-400 km². Et derrière cette crotte de loup, alors là, je laisse la surprise évidemment aux spectateurs, mais il s'est passé des trucs absolument incroyables en une semaine de temps. Ouais. Et là, on se rend compte... C'est un feuilleton. Et il se passe des trucs dans la nature sans qu'on s'en doute, et tout le monde est dans le coup. Le lièvre, le sanglier, le renard, la biche, enfin vraiment, on est chez Disney, là. Oui, c'est vraiment ça. Oui, j'avais pas pensé, mais il y a un côté un peu Walt Disney dans cet échange entre les différents animaux. Alors, vous déplacez parfois avec vos chevaux, dans cette nature. Pendant 3 ans, vous allez comme ça... aller de bivouac en bivouac. À partir de quand vous commencez à les apercevoir pour de bon, ces loups? En fait, là encore, un petit coup de chance quand même. Au bout d'un an, et où je commençais vraiment à péter les plombs et à me dire « tu t'y prends mal », sur une de ces caméras automatiques, j'ai une louve en fait qui est passée avec des tétines. Mmh. Et c'était fin mai. Et là, je me suis dit, alors j'ai aussi appelé des biologistes en disant, là, j'ai un truc, j'ai une louve avec des tétines à tel endroit. C'est-à-dire les tétines gonflées. Les tétines, gonflées, quoi. Donc elle allaitait. Elle allaitait. Elles étaient vraiment pendantes, noires. Donc là, le biologiste m'a dit, si une louve en cette saison a des tétines comme ça, la tanière est à moins d'un kilomètre, quoi. Et là, j'ai donc décidé de mettre un nouveau bivouac en place sur une crête au-dessus, alors en essayant d'être un peu loin, évidemment, des passages, parce que les passages, je les connaissais un peu en hiver, dans la neige et tout ça. Et là, ça a été incroyable, parce que entre le moment où j'ai eu cette image et le moment où j'ai installé ce bivouac, il s'est passé quelques jours, et je suis arrivé genre à 4h de l'après-midi au bivouac, à l'installer, à tout poser et tout, à 6h du soir. La louve arrivait pleine face de moi, avec ses tétines, elle m'a regardé, elle a levé la patte en s'accroupissant, elle a pissé, en me regardant et en levant la queue très à la verticale et en disant « mon gars, je sais que tu es là », elle m'a bien regardé et elle a passé son chemin. Ouais. Et à partir de là, ça a été un festival parce que j'étais près de la tanière. Et là, je voyais les loups qui partaient avec le ventre vide sur les territoires de chasse, ils étaient tout maigres, et ils revenaient avec un ventre énorme pour régurgiter la nourriture aux petits. C'est-à-dire que vous, pourtant, vous essayez un peu de vous camoufler, même si vous n'êtes pas dupes, ils ont un odorat très développé, mmh. ils vous ont senti. Mais en fait, à ce moment-là, ils savent que vous êtes là, même si vous essayez de vous dissimuler, mais ils vous ont accepté. Complètement. En fait, ce que moi, je me dissimule surtout par rapport aux autres animaux. Ouais. C'est-à-dire que vu que je m'ennuie tellement, et que je passe tellement de temps sans rien voir, en fait, sans voir les loups, ben, j'aime bien voir les chevreuils, les cerfs, les chamois et autres. Et du coup, je me mets un filet de camouflage pour être discret par rapport aux autres animaux. Et du coup, je fais aussi d'autres images, d'autres animaux, puis ça me plaît. Mais il est évident que les loups, même sans le filet, bah, ils me sentent, ils ont tout compris. Eux, leur radar fonctionne à plein. Vous allez finalement observer davantage de choses que ce que vous pensiez. Vous allez nous raconter ce que vous avez découvert de la vie de cette meute de loups sauvages évoluant en pleine nature, quelque part, dans les Alpes. Nous bivouaquons dans la vallée des loups avec Jean-Michel Bertrand sur France Inter. Your throat if you move on me. I'm sovereign, 'cause I'm the king of the dogs. Hold out life, we'll kill you for the answer. I don't even own a pair of pants. I'm a dancer, baby. King of the Dogs, c'était Iggy Pop sur France Inter, le temps d'un bivouac, et nous repartons sur la piste des loups avec notre invité Jean-Michel Bertrand. Les règles du jeu sont les suivantes. Choisir un poste d'observation contre le vent hors du champ de vision de l'animal. Gagner la position et s'y tenir sans révéler sa présence. Les plans ayant été déjoués, j'ai décidé de changer les règles. Partant du principe qu'on se méfie de ce qu'on ne comprend pas, j'ai décidé de me montrer le plus possible. Je m'exhibe. Extrait du film « Un homme parmi les loups » qui est inspiré d'un roman de Ferlé Mohat dont vous nous parliez, hein, Jean-Michel Bertrand, en nous disant « Je me suis inspiré de ce qu'avait fait ce monsieur pour ma propre quête d'aller comme ça à la rencontre des loups sauvages. » Ah ouais, mais c'est génial. Moi, je me rappelais plus de cet extrait, mais il est là, il tape sur des bottes de conserve, il est à poil et tout, il est complètement hystérique et il a compris. Il a compris qu'en se cachant, et c'est là que pour moi, ça a été des déclics, en fait. Vous n'êtes pas allé jusque-là, hein, les casserole à poil, vous l'avez pas fait, ça. Non, mais enfin, vous verrez dans le making of, il y a un moment de sous l'affût quand il fait chaud, des fois, je suis un peu en tenue d'Adam quand même. Ah oui. Mais enfin, pas devant les loups. Et, non, mais vraiment, le fait, comme ça, de s'exhiber, de dire, je suis là, c'est ça qui marche. Ouais. Et franchement, depuis 30 ans que j'ai vu ce film, c'est resté en moi. Ouais. Et ça reste pour moi la meilleure recette. Ouais. Je suis là, les gars. Vous êtes curieux. Je vous veux pas de mal. il va se passer des trucs. Ouais. C'est assez contre-intuitif, hein, parce qu'on se dit, il faut se cacher, il faut mettre surtout pas visible. Mais de toute façon, vous l'avez dit, ils nous sentent, ils nous captent. Ouais. Donc, ils autant savent ce qu'on a mangé, ils savent tout, ils ont des radars incroyables. Est-ce qu'une fois qu'ils étaient habitués à votre présence, ils se sont approchés de vous ou est-ce qu'ils sont toujours restés à bonne distance? Ils sont quand même restés à bonne distance, 80 mètres en général. J'ai eu des coups, j'ai raté des plans fabuleux quand j'étais en train de prendre mon petit-déj à 8h30 du mat parce que je pensais que tout était fini et puis la meute entière me passe à 30 mètres. Je remets la caméra en route et puis j'ai la queue du peloton, on va dire. Donc ils m'ont fait des coups un peu surprenants, mais c'est toujours eux qui décident évidemment. Moi je reste à la même place et en général la distance était de 80, 100 mètres et 100, 150 mètres pour les jeunes, pour ne pas justement être trop présent et les imprégner de ma présence. Combien de loups composaient la meute que vous observiez ? Alors cette meute, elle est assez importante pour les Alpes. Elle fait 5 loups en fait au minimum, c'est-à-dire que vous avez le couple dominant et 3 jeunes. Des jeunes pas forcément de l'année d'avant, des jeunes qui ont décidé de rester avec leurs parents. Il y a des tanguis, il y en a qui restent 2-3 ans, enfin c'est très bizarre. Mmh. Et puis la femelle met bas 6 louveteaux. Donc vous vous retrouvez avec 11 loups et au moment où tout le monde quitte la tanière puis le site de rendez-vous où la meute circule sur le territoire à l'automne, vous avez 11 loups. Mais ce qui est fabuleux, c'est que l'année d'après, au mois de mai, au moment où la femelle va mettre bas, vous avez 5 loups. Donc il y a une mortalité des jeunes comme chez tous les animaux sauvages qui peut atteindre les 50%, mais il y a aussi cette fameuse dispersion. Donc jamais les loups se concentrent en un point. Voilà, ils ne supportent pas. C'est pas nous qui décidons. C'est eux qui décident parce que si les loups sont trop nombreux sur le territoire, il n'y a plus rien à manger. Ouais. Vous venez de citer le lieu de rendez-vous. Ça, c'est une recherche aussi, une quête dans votre film. Vous cherchez à savoir où est le lieu de rendez-vous. Qu'est-ce que c'est que ce lieu de rendez-vous ? Alors, le lieu de rendez-vous, le site de rendez-vous, c'est vraiment un endroit hyper important parce qu'alors le loup qui est tellement compliqué à voir quand on le cherche ou quand on aimerait le voir, il devient beaucoup plus facile à voir si quand on retrouve le site de rendez-vous. Parce que c'est l'endroit où les adultes emmènent les jeunes quand ils ont 3 mois à peu près, qu'ils ne sont plus dans la tanière et qu'ils commencent à s'émanciper. Ils vont les emmener à cet endroit et en fait les jeunes vont attendre les adultes qui partent dans leur chasse et vont leur ramener à manger. Et donc ça peut durer 2-3 mois. Moi ils sont restés au même endroit pendant 3 mois, mais des fois le site des rendez-vous peut changer. Mais c'est vraiment le site de rendez-vous, comme son nom l'indique, quand on vient là, on sait qu'on va rencontrer des louveteaux. Et donc ça, c'est un luxe incroyable. Mais ça veut dire que vous avez pu voir comment ces loups s'occupent des petits, un peu, c'est une partie du comportement que vous avez pu observer. Ah oui, j'ai vu des trucs incroyables, déjà des jeux incroyables, comme des petits chiots, ils s'amusent et tout ça. Et puis parfois, vous avez des jeunes. Et alors ce qui est marrant, c'est que je m'attendais à ce que ce soit plutôt les dominants qui viennent s'occuper, éduquer, on va dire, les petits. Et en fait, ce sont plutôt les frères et sœurs de l'année d'avant, les oncles et tantes qui viennent jouer. Et là, j'avais une jeune femelle qui, tous les soirs, à 8h du soir, à la tombée de la nuit, venait jouer et leur apprendre à ritualiser, en fait, à se mordre sans se faire mal, à s'impressionner. Parce qu'en fait, pour ne pas avoir besoin de vrais combats, il y a un gros travail de ritualisation. Il y a quelque chose qu'on peut redire, on l'a un peu dit en début d'émission, mais prenons le temps de le redire, parce qu'on se dit, quand vous décrivez ça, qu'on a déjà vu ça 100 fois dans n'importe quel documentaire animalier. Mais souvent, dans les documentaires animaliers, ce sont des animaux plus ou moins dressés, en réserve, à l'état semi-sauvage. Mais on a très peu d'images, pour ne pas dire pas du tout d'images, de ces loups dans leur milieu naturel complètement sauvages, qui sont pas du tout habitués à l'homme. Mais c'est là, c'est pour ça que j'ai fait ça, parce que finalement aller filmer dans un zoo, même si c'est un zoo qui est dans les bois, ça m'intéresse absolument pas. Et puis quand on connaît ces animaux, quand on voit la distance qu'ils parcourent, le besoin d'espace qu'ils ont, c'est horrible de les voir enfermés. Et donc du coup, moi quand je regardais ces louveteaux, pour vous donner un exemple, j'étais assis, j'étais sous mon petit pain bouffé par les fourmis et tout, mais c'est pas grave, je les regardais et je me disais, il y a 10 000 ans, il y avait peut-être un gars sous un autre pain qui regardait la même chose. Et donc vous faites un voyage dans le temps, vous projetez dans des choses incroyables parce que le loup, il était là depuis très longtemps et les fameux sites de rendez-vous, ces fameux endroits qui sont quand même situés là dans les Alpes en altitude, sont des endroits qui n'ont pas beaucoup bougé et qui n'ont pas été exploités par l'homme. Et donc on se projette et c'est là qu'est toute la poésie, toute la philosophie et le plaisir. Donc non, pas du tout envie de filmer d'animaux captifs. Et vous n'avez pas non plus voulu approcher la tanière. Pour quelle raison ? La tanière, c'est la chambre à coucher. Ça, c'est mon copain Kouloumi qui me dit toujours ça. Mon Koulou, il me dit, c'est la chambre à coucher, c'est vrai. Non, j'avais vraiment pas du tout envie d'approcher la tanière parce que c'est leur intimité. Et là aussi, dans le film, il y a toujours quand même des messages. Et parce qu'aujourd'hui, la photo animalière ou le cinéma animalier est aussi à la mode. On a une surenchère souvent de gens qui veulent les images les plus exceptionnelles, les scoops, les petits dans la tanière. Et moi, ce que j'aime au contraire, c'est dire, ben voilà, ils m'ont déjà fait un cadeau énorme, ouais. On va les laisser tranquilles. Et clairement, je ne sais pas où est la tanière. Je sais dans quelle petite forêt mmh. elle est à 400 ou 500 mètres près, mais je suis jamais allé la chercher, même hors saison, à l'époque où ils l'ont quittée, parce que j'avais l'impression, voilà, c'est pour ouais. moi... C'est pour moi une espèce de règle de déontologie. On les laisse tranquilles, on ne va pas approcher trop leur intimité. Ce soir-là, alors que la lune presque pleine montait dans un ciel rose, éclata le cœur des loups. Deux groupes se répondaient, et parmi eux, une voix haute. Les voix alternaient, montant et descendant en une polyphonie sauvage et pourtant musicale. Notre nature a perdu une de ses plus grandes voix, des plus émouvantes, avec le chant des loups dans l'air glacé. Ce texte a été écrit par un artiste naturaliste, Robert Hénard, et vous appréciez tout particulièrement cet homme qui a écrit sur la nature et le rapport qu'il a avec la nature, Jean-Michel Bertrand. Ah oui, Robert Hénard, quand j'écoute ça, c'est pareil. Quelle émotion, quel écrivain, quel talent qui n'a pas tellement connu le retour du loup un petit peu et qui allait essayer de les voir dans les pays de l'Est, assez loin. Et c'est vraiment pour moi quelqu'un de fondamental qui est assez peu connu, qui est un artiste, un philosophe suisse. Et Robert Hénard est pour moi une personne essentielle, un peu à la Hubert Reeves, des gens comme ça, qui sont des gens dont on a besoin et qu'on n'entend pas assez parler. Alors en plus, vous pouvez comparer un peu ce qui se passe ici en France avec, on le disait en début d'émission, vous êtes allé très loin, notamment voir les nomades mongols, et eux ont aussi affaire, ce sont des éleveurs, ils ont affaire aux loups, ça se passe différemment. Ben oui, ça se passe différemment parce qu'on a affaire à des gens qui ont toujours vécu avec cet animal, et pour eux, le loup est évidemment pas un ami, le loup n'a jamais été l'ami des éleveurs ou des bergers, sauf que le loup est un problème parmi tant d'autres. Mmh. Les mauvais hivers qui peuvent décimer la moitié du troupeau, la foudre, les maladies et autres, et donc, voilà, je pense qu'il faut juste reposer un petit peu les pieds sur terre, et à partir du moment où on a ce respect de cette nature qui est quand même un peu mal en point, on a une nature à l'agonie aujourd'hui, on a vraiment des voyants dans le rouge partout, le retour de ce grand prédateur est un enjeu important, un symbole aussi, et j'espère que l'homme civilisé, comme on dit, saura sortir de ses vieilles croyances médiévales et obscurantistes pour essayer de relever ce défi de la cohabitation qui est possible. Merci Jean-Michel Bertrand. Je rappelle le titre de votre film, disponible en DVD, La Vallée des Loups. Dans un instant, Pierre Joss, notre traîne savate planétaire, le rédacteur en chef du Guide du Routard, nous emmènera à la découverte de villes fantômes. Sur France Inter. C'était Altingen, la chanson s'intitule Laila, et c'est Djoubaka qui signe la programmation musicale du temps d'un bivouac. Et à 17h51, il est grand temps de retrouver notre routard du mardi soir. Quand c'est pas le bateau, c'est l'avion, toujours les valises. Sur France Inter. Un jour à Bornéo, un jour à Shanghai. Un baiser de Russie, un banco à Bangkok. Le temps d'un bivouac. Mais je vous dis qu'il nous aura tout fait. Bonjour Pierre Josse. Salut Daniel. Vous êtes rédacteur en chef du Guide du Routard. Quelle nouvelle destination insolite vous nous proposez de découvrir aujourd'hui? Eh bien écoutez, je vous emmène de par le monde à la découverte de villes qui ont peut-être existé, mais en tout cas qui jaillirent de terre de par la seule volonté d'un roi, d'un dictateur et d'un riche potentat, souvent une nouvelle capitale au milieu de nulle part, souvent symbole de la mégalomanie ou d'un fantasme délirant d'autocrate. Et puis, pour de nombreuses raisons, politiques, historiques, climatiques, elles furent abandonnées, voire jamais habitées. Et pour moi, en voyage, ce genre de découverte, alors là, c'est les doigts de pied en éventail. Les doigts de pied en éventail. En tout cas, ça s'annonce insolite. Vous nous emmenez où, donc, exactement, Pierre? Eh ben, pas vraiment loin. Je vous emmène en Italie, à Sabionetta, à 33 kilomètres de Mantoue. En 1565, le duc Vespasien Ier de Gonzague en avait marre, mais marre de Mantoue. Il rêvait de vivre sa ville, une ville à lui tout seul, suivant ses goûts, ses désirs, et puis surtout, surtout, un même architecte qui va la construire, d'ailleurs en 25 ans, il a mis le temps, et aujourd'hui c'est un pur joyau Renaissance à 100%, avec le vrai premier théâtre couvert d'Europe, et une programmation, il y a eu Monteverdi, les premiers opéras, etc. Problème, c'est qu'à peine construite, le duc eut la mauvaise idée de mourir et la cour, qui n'avait pas digéré le déménagement, se hâta de retourner à Mantoue. Quasi abandonnée, la ville péricleta rapidement et fut oubliée pendant des siècles. Tenez-vous bien, aujourd'hui, à peine 300 habitants. Et pourtant, que de merveilles à découvrir, de merveilleuses églises, des magnifiques palais. L'hiver, les rues désertes, livres comme une ville fantôme. Un décor surréaliste à la Giorgio de Chirico ou à la Paul Delvaux, auquel ne manquerait aujourd'hui qu'une femme au sein nu, un petit homme au chapeau melon et une locomotive. En tout cas, l'Office du tourisme local va être content du petit coup de pouce que vous êtes en train de leur donner. Quoi d'autre dans votre besace, Pierre-Josse? Eh bien écoutez, je vous emmène cette fois-ci un peu plus loin, à Fatehpur Sikri. C'est en Inde du Nord, à 40 kilomètres d'Agra. Une ville d'une beauté époustouflante. Imaginez, ceinte d'une muraille de 10 kilomètres, bourrée de prestigieux monuments. Elle fut bâtie par l'empereur Abgar en 1572 pour y installer sa capitale. Cependant, à peine achevée ou pas encore achevée, alors que des dizaines de milliers d'habitants avaient commencé à y habiter, on s'aperçut qu'il n'y avait pas d'eau. Ah. Ça, c'est un problème. Ils auraient pu y penser avant, cela dit. Oui, les nappes phréatiques étaient quasiment vides. Alors, aussi sec. On ne sait rien, d'ailleurs, du sort de l'architecte. J'imagine que ça n'a pas dû être terrible. Oui, c'est ça, il a dû passer un mauvais quart d'heure. Ouais, Akbar transporta sa capitale ailleurs. Et pour le coup, une authentique ville fantôme au charme fou. Bon, alors Pierre, pour la suite, on prend le train ou l'avion? Le train, je suppose, connaissant votre souci de notre empreinte carbone. Absolument, vous me connaissez trop bien d'ailleurs, Daniel. Non, je vous emmène par bateau. Ah. Depuis Alcantara, qui ne s'atteint que par bateau d'ailleurs, depuis San Luis de Maranhão, une magnifique ville coloniale dans le nord-est brésilien. Là, la ville fut abandonnée pour d'autres raisons. Après deux siècles d'opulence, à la fin du 19e siècle, en cause la crise de la canne à sucre et surtout la suppression de l'esclavage qui provoquèrent la décadence économique violente de cette magnifique ville coloniale. Et bien sûr, la fuite des élites. Aujourd'hui, quelques dizaines d'habitants seulement et quelques hôtels pour accueillir les intrépides touristes. Pour le coup, une exotique ville fantôme, au palais envahi d'une luxuriante végétation, aux mystérieuses églises ruinées, et là, le silence des rues parfois brisé de cris d'animaux, qui possède quelque chose d'étrange. Je suppose qu'en France, de telles situations n'existent pas, en même temps ce serait bien. Détrompez-vous, il y a des villes qui ont été construites comme ça, d'un seul coup, par le même architecte, suivant la folie, les désirs de grandeur, Richelieu. Richelieu dans l'Indre-et-Loire, création du cardinal, est une pure merveille et bien vivante, elle. Mmh. Cependant, alors j'ai un petit exemple là dans Lacoste, c'est un village de charme dans le Luberon. Alors là, on a l'impression de traverser un village déserté. La rue principale se révèle dramatiquement morte. La boulangerie a fermé, le café aussi. Alors que ses deux voisines, égales en charme, Bonnieux, Ménerbe, qu'on connaît bien, sont résolument animées et touristiques, elles. Alors, comment expliquer cette situation-là ? Eh ben voilà, on la doit au riche châtelain local, un grand couturier qui a racheté une quarantaine de belles maisons du village. Et là, certes, reconnaissons-le, joliment restauré. Problème, c'était uniquement pour les collectionner. Pas question du tout de les louer. Résultat, un grand vide, un décor de théâtre sans âme, pas de dynamisme commercial et touristique, et puis surtout, l'amertume des rares habitants qui souhaiteraient bien qu'on mette en valeur les atouts du village. On a le temps pour une toute petite dernière, Pierre, du côté de Goussainville. Oui, alors ça, j'y étais il y a pas très longtemps, mais on avait parlé depuis des années. Goussainville, c'est le vieux Goussainville. Figurez-vous qu'en 71, on leur apprend qu'on construit Roissy. Et le vieux Goussainville, 1000 habitants, se retrouve au bout de la piste. C'est-à-dire avec les avions qui passaient à 15 mètres. Donc, Aéroport de Paris a proposé de racheter les maisons. 700 habitants sont partis sur 1000, mais 300 irréductibles, souvent pour des raisons sentimentales, affectives, ont décidé de rester. Ce qui fait que toutes les maisons abandonnées ont commencé à se dégrader, à être envahies par la végétation, les toits se sont effondrés, il y a eu des tags, toutes les fenêtres sont murées ou défoncées, donc une impression un peu de désolation, un peu apocalyptique, voyez. Et il y a des agences de communication, de publicité qui viennent faire des films, des défilés de mode, etc., etc. Alors, je me moquerai pas de ce village, j'aurai pas un ton apocalyptique, parce qu'il y a encore des gens qui y vivent. Et alors, ultime clin d'œil qui montre qu'il y a un espoir irréfutable, la présence d'une librairie, c'est un signe, et puis surtout, l'ancien café s'appelle toujours au paradis. Merci Pierre Josse, je rappelle le titre de votre dernier livre, Chronique vagabonde, une coédition Hachette Le Routard. À mardi prochain, Pierre. Au revoir Daniel. Demain... Ravi de vous avoir connu, un de ces jours, à la semaine prochaine. Demain à 16h, nous mettrons le cap sur la forêt amazonienne avec un archéologue sur les traces de civilisations disparues. Et à 17h, nous reviendrons sur l'histoire des pionnières de l'aviation. À demain donc pour de nouvelles aventures. Après le journal, vous avez rendez-vous avec Laïla Kadour Boudadi pour un nouveau Mac de l'été.